بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. لا نزال في قول المؤلف رحمة الله عليه دوران المحامي عن الباطل وأهله بين فاقرتين عظيمتين. أتقدم الكلام أن défendre الباطل c'est quelque chose de خطير جدا، كما قال عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما. La personne qui défend le haq, انصر أخاك ظالما أو مظلوم. La personne qui يقف مع الحق c'est واجب عليه. كذلك il a cité la cause أن بعض الناس يمارش أو يسويف دي قواعد كخالف منهج السلف يسنطبي في مثل هذه المخالفات. لا نترك الرجل حتى يتركنا. صح صح ست قاعدة لا أمبليكي دي شوز أنه ولو سير على الباطل شو بابل دي لسي وهذا سمخالف لمنهج السلف. يونا سيتي الإكزام دي الإمام أحمد رحمة الله عليه. On a cité l'exemple d'Ibn Mas'ud. On a cité des exemples كثيرة. فيما تقدم عمر avec Sabir. هذا هو المنهج السلفي الأصيل اللي فوندي للسويفي de هؤلاء. أما قول من لا نترك الرجل حتى يتركنا كسكل إمام كادي هذا الكلام. إمام من أئمة السنة، من أئمة السلف، من أين جاء هذا الكلام؟ هذا فالسلفي il se contredit pas. C'est un salafi لأنه يسوي السلف. Mais cette règle, on a démontré plusieurs fois que al-khalif manhaj al-salaf al-salih. قال الشيخ سعيد بل هذا تأصيل جديد مخترع لا نترك الرجل حتى يتركنا. C'est un تأصيل, c'est une règle جديدة مخترع. قال مخالف لأصل الولاء والبراء في دين الله. نعم. لأن si tu le délaisses pas tant qu'il t'a pas délaissé ولو c'est un مبطل t'as pas appliqué al-bara. Tu te désavoues de lui. S'il ne fait pas de tawbah, tu t'écartes. Tu ne t'appliques plus à Adha, et là tu vas dire, je ne le délaisse pas tant qu'il ne m'a pas délaissé. Tu contredis un asl, azim, al-wala wal-bara. Qala min al-bu'd an ahli al-shari wal-batil, kama fi qawlihi ta'ala, fala taq'ud ba'da al-dhikra ma'a al-qawmi al-zalimin. Amrullahi azza wa jal. Ma qal subhanahu wa ta'ala, la taq'ud tant qu'il ne t'a pas délaissé min hadha al-kalam, abadan. Fala taq'ud ba'da al-dhikra ma'a al-qawmi al-zalimin. Tu te mélanges pas à Ahl al-Batil. C'est haram. C'est haram, ça te fait du mal à ton dîn. Ou alors il ne te délaisse pas. Et on a déjà expliqué, s'il ne te délaisse pas, là t'as donné veut ton bien. C'est pour ça que Kathir bin al-Nas qui se sont mélangés avec Ahl al-Ahwa, ils sont devenus eux-mêmes des Ashab Ahwa. Hada dîn, c'est une rahma. Allah Azza wa Jal, il t'ordonne. Fala taq'ud ba'da al-dhikra ma'a al-qawmi al-zalimin. C'est pour ton bien, ayyuha al-Muslim. Ayyum bari inventer ces règles. Al-Qur'an yakfi. السنة تكفي كما قال الإمام أوزاعي واسلك سبيل سلفك الصالح. القرآن يكفي، السنة يكفي، سبيل السلف يكفي. طب ما بزوان دو راجوتي أبدا. قال وقوله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تأمل قوله فلا تقعدوا، والآية الأولى فلا تقعد. القعود سالجلوس، القعود سالجلوس، ساسواغ سميلانجي، لا يجوز هذا مع أهل الباطل. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نتركه حتى يتركنا أبدا، قال فاحذروهم. يا أخي pense à ton دين. الآن si on applique cette قاعدة on ne délaisse pas telle personne même s'il est à la bâtelle tant qu'il ne délaisse pas. Comment on va faire? Comme les gens vont s'égarer. Il va te dire, là, il ne m'a pas délaissé, là, je patiente avec lui. Ya akhi, t'as pas le qudra. Par Qudra, Ashab al-Batil, ils ont des choubouhat. Ashab al-Batil, ils ont un makr chadid. Wallah, il va te faire croire que tu es à la khair. Et le jour où il peut te faire tomber, il te fait tomber. La yarhamouk. Comme a dit l'imam al-Barbahari, il les a comparés à des aqarib, des scorpions. Ah, oula, c'est aïmat al-Sunna. Il va te sortir des choses, il va te caresser au sens du poil, des sourires, des kada. Et dès qu'il peut te faire tomber, il le fera. Ah, kada al-Mu'til. Tu reviens avec lui. كم من الناس sont mélangés avec le bâtil, ils sont partis avec eux. كم العلماء يحذرون. بعض الناس disent مصلحة. Ta مصلحة à toi en tant que خاصة الجاهل, celui qui n'a pas beaucoup d'ilm. Ta مصلحة écarte-toi d'eux. لا تغتروا بهذا الكلام. بعض الناس disent c'est une مصلحة. Ta مصلحة toi, c'est de préserver ton dîn. Tu vas te mélanger, tu vas changer quoi? مصلحة, t'as pas le قدرة, t'as pas d'ilm. Tu vas vouloir faire du khair, tu vas faire que des dégâts. Nous ننصح celui qui n'a pas d'ilm, qui est débutant, حتى طالب العلم لا يأمن على نفسه. On a cité les exemples l'imam Ahmed, Mohamed ibn Sirin, la maslaha c'est écarté. Ahl al-ilm, il conseille Ahl al-batil. Tu n'es pas obligé de te mélanger. Nous même on dit, il y a une maslaha. Est-ce que tu es obligé de t'asseoir, manger avec lui? Tu lui écris une lettre et tu ne parles pas. Même tu la fais passer par un autre. Tu ne parles pas, tu t'écartes. فلا تقعدوا بعد الذكرى مع القوم الظالمين. خاصة les moyens qu'on a aujourd'hui, tu lui enregistres un audio. Tafaddal, il parle avec toi, ne parle pas avec moi, c'est une nasiha. Et tamshi, il veut pas, trukhu, c'est pas responsable. Amma se mélanger, il y a une maslaha, on va voir, on patiente, c'est tariqat al-inhiraf. Allah Azza wa Jal, l'aya, est-ce qu'il a dit, il faut patienter, il faut. La, fala taq'ud. Fala taq'ud, c'est mutlaq. Fala taq'ud, ba'd al-dhikra, ma'al qawm al-zalimi. Fantabihu lihada. تبيه لهذا الشيطان يغطى من هذا الباب جو فيغ نصيحة من مصلحة يفو باسيونتي ما فيه من هذا خاصة نون دي ديبيتون خاصة نحن بخزر من الدين يا رب on arrive à finir nos livres qu'on fait, on arrive à apprendre le Coran, on arrive à apprendre des hadith, الحمد لله on s'en sort. On n'a pas le temps, نحن. Tu vas aller واحد c'est un مبطل, il veut que t'égarer et tu patientes des années avec lui حتى tu t'égares معه. Et t'amalou ceux qui se sont mélangés, Abu al-Hassan, Ali al-Halabi, tous ceux-là ils se sont mélangés avec l'al-Batil. Chauf l'an, c'est minro, on sait l'al-Batil, eux-mêmes, ils combattent le Sunna, ou ahl al-Sunna. Qala, Rawah al-Bukhari wa Muslim al-Aisha radiyallahu anha. Qala, wa amthal thalik, min al-adilla, al-amira, amran sarihan, bishtinabah lil-kufr, wal-bida' wal-ahwa wal-ma'asi, wa laysa fi shay minha adna ishara. Wallah, y'a pas. Une ishara, une lettre, ou une ishara qui te montre que tu dois rester avec lui. Ou tant qu'il t'a pas délaissé, tu restes avec lui. Abadan, on a lu les adillah, ils sont clairs. Hdarouhum, la taq'ud. Les adillah wadiha. Qala min qarib wala min ba'id. Kadalik, t'étudies manhaj al-salaf. Est-ce qu'Ibn Sirin, rahmatullah alayhi, quand ils sont venus rester le Coran, il a dit, ils nous ont pas délaissé, on les délaisse pas. Ou il a dit, je vais conseiller, je vais patienter. Abadan, ma fih min hada. Tu t'écartes sans salam. Si il veut le khayr, tu sens qu'il veut le khayr, délivre, tiens des audios et ne te mélange pas à lui. Tu lui montres un site tayyib, yestavid min, une risala, un audio et ne te mélange pas. Hatantabihu, tu donnes le livre et tu commences à. Ntabih. Alors quand le livre, on va dire, mais kada, et toi tu rentres avec lui. Ntabih. Ntabih li hada. Wallah, et tu lui poses chez lui, ou tu lui poses dans sa boîte aux lettres, amfa'alak. Tu te mélanges pas ma'a. Tout ça pour préserver ton dîn. Tu peux pas, donne-lui rien. T'es pas responsable, Anta. Wallahi, t'es pas responsable. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? T'es pas responsable, t'as peur pour ton dîn. T'as une hujja indallah. Moi, je peux pas l'approcher, j'ai peur des choubouhat. Et Inch'Allah, t'es à la khayr. Ntabihu li hada. Et nous, on n'oublie pas, faites da'wa wa awam. Bad al-Nas, il va, Amu al-Harif, il perd son temps avec lui. Et il t'écoutera pas, c'est ça l'asl. Comme a dit le Nabi sallam, la tawba li mubtadi'. C'est rare qu'ils font tawba. Il t'écoutera pas. La tawba li mubtadi', ça veut pas dire que sa tawba n'est pas acceptée là. Ça veut dire qu'en général, il fera pas tawba, il y en a, il pense qu'il est à la haqq. Comment tu veux qu'il fasse tawba? Lui, il veut que toi tu fasses tawba. Ah, ne perds pas ton temps, mais. Et là, comme on a dit, un واحد, il perd son temps avec واحد, avec un ikhwani, ou un tabligh, un iqashat. À la fin, ça finit que des problèmes. Mais il laisse l'awam le masakin. Fait d'awam, awam. C'est des musulmans. Ils aiment bien le khayr, lakin, c'est des masakin, c'est des ignorants. Et ils savent plus trop le haqq, il est où. Tu leur montres un bon comportement, tu peux leur donner des doros, tu leur facilites, tu leur expliques, tu patientes. C'est awam, ça deviendra min ahl sunna. Rubbama, ça deviendra des salafis aqwa mink. Et la da'wa hakada à l'avance. Amma munharif, il te déteste, il croit que t'es un munharif, il fait tout pour salir ton image et tu perds ton temps. Et à la fin, ça finit que des accusations, que des. ceux qui veulent le haq, le haq est موجود. Hatta ce mubtadi' la tadhal, il te fait croire que tu vas lui montrer le haq, il sait très bien il est où le haq. Il sait très bien, il connaît les livres de sunna, il connaît al-ulama, probablement il les connaît mieux que toi, mais il ne veut pas le haq. Il passe par toi pour te faire du mal. Fala taghtar. Ma balou qu'ils n'ont pas écouté l'imam de base, l'imam al-Albani, l'imam Muqbil, l'imam al-Utaymin. C'est a'imma, kibar, ulama, ahl al-bida', ils les combattent et ils ne les écoutent pas. Ma balou qu'anta. Anta, tu vas venir, tu vas tout changer. Qala. Wa amthal dhalik min al-adilla al-amira amran zarihan bi-ijtinab ahl al-kufr wal-bida' wal-ahwa wal-ma'asi. وليس في شيء منها أدنى إشارة من قريب ولا من بعيد إلى هذا التأصيل الجديد أي لا نترك الرجل حتى يتركنا والله في الحقيقة سبعين نصيحة طيبة أبدا أبدا النصيحة الطيبة كونفين نحن وجو استفدناها من أهل العلم سيكارتد أهل الباطل إكارتتوا طن كتبو قال الذي هو بوابة تمييع وتفلت عظيم في الدعوة في الدعوة السلفية لأن معنى عدم البيان والتحذير والبعد عمن انحرف من صف أهل السنة والتميز عنه وإبعاده والبقاء معه ومودته والدفاع عنه حتى يتركنا هو حتى يتركنا هو ça va impliquer des choses graves. ما بالك أنت un ignorant il te voit marcher avec هذا il va penser quoi? Tu peux pas le mettre en garde, toi-même tu marches avec lui. هذا بل هو il va se servir de ça. Un frère il va venir ثابت. Il va mettre en garde contre lui. Il va dire regardez il est dur. La preuve Foulen c'est un salafi, il marche avec moi. Et tu fais du mal au haq. Haqqa tu fais du mal qu'à toi même. Lakin ça implique des choses graves. Amma tous le même manqif. Si on est tous des salafis, on suit tous les salafs, on s'écarte tous de Ahl al-Batil. Et vous allez voir que Al-Mubtil, une des choses qui lui fait le plus de mal, c'est de s'écarter de lui. Pas se mélanger à lui. Ça lui fait du mal. Il ne trouve plus le moyen de propager son somme. Son poison a trop flux, les gens ils se sont écartés. Hatta l'awam, ils vont se poser des questions. Les gens ils s'écartent de lui. Mais je suis. Hatta tu montres bon comportement, da'wa, ilm, les gens ils vont savoir, hada il est à la haq. On n'a jamais entendu de problème. Il a un bon comportement, il est à la ilm. Et ils vont voir hada al-mubtil avec son mauvais comportement, avec sa shidda, avec pas beaucoup d'ilm. Et ils vont vite faire la différence, très vite. Lakin nahnu hada, ba'd al-nas, ils ont un da'f kabir fi hada. قال لأن معنى عدم البيان والتحذير والبعد عن من انحرف من صف أهل السنة والتميز عنه وإبعاده والبقاء معه ومودته والدفاع عنه حتى يتركنا هو حتى لا يتميز المستقيم من المنحرف. نعم يفلت ديفيرونس كل موضي ملانجي هل السلف يسمنانجي أهل الباطل؟ أبدا أبدا. قال والسلف من الخلف وحينئذ تصير الدعوة السلفية الصافية النقية المميزة مزيجا مزيجا أي خليط ستو ميلانجي قال من كل جنس صحيح tu vas dans des endroits نسأل الله العافية واحد يسبرت en سلفي il marche avec الإخواني الإخواني avec التبليغي الصوفي ستو ميلانجي ما تدري حتى بعض العوام يديز on s'afflue نحن إليه الحق أما يغي التميز ولا تبالي les gens ils vont critiquer. لا تبالي سدعوة الرسل ودعوة السلف لا تبالي يفون دير هؤلاء اسمين عنش باها هؤلاء لا تبالي سحق موت et tu trouveras des gens qui acceptent ce haq. Tu trouveras des gens qui acceptent ce haq. لا تبالي بعد الناس لا il faut se mélanger les gens ils vont parler suis les gens et ضيع ton din. Ah les gens ils parlent et رضاء الناس c'est quelque chose de مستحيل. Tu te mélangeras ils parleront sur toi لا تخاف هذا tu seras critiqué à la كل حال reste à la haq laisse ceux qui critiquent la حقيقة. Il te donne leur hasanat. Wallah, c'est comme une personne, il vient et il te donne des cadeaux. Il critique, il te donne de ses hasanat. Yom al-Qiyama, il te donnera. S'il n'a plus de hasanat, tu lui donneras tes seyyi'at. Anta, t'es 100% gagnant. Te mélanger, ils te critiqueront. Là, dès que tu vas te mélanger, il va avoir une deuxième étape. Tu vas te mélanger avec eux, ils vont dire non, mais il faut que tu fasses telle chose. Toi, tu vas dire non, là, je suis venu pour vendre ça. Ils vont te critiquer. Aslan préserve ton din. Et celui qui veut critiquer, laisse-le critiquer. Ils ont critiqué Rasulullah, ساحر مجنون يزون دي كذاب ما بالك أنت المسكين الضعيف. قال والبقى معه قرأنا حتى يتركنا هو حتى لا يتميز المستقيم من المنحرف والسلفي من الخلف وحينئذ تصير الدعوة السلفية الصافية النقية المميزة مزيجا من كل جنس كدعوة الإخوان المسلمين. نعم نحن on refute et on critique l'Ikhwan al-Muslimin, la yajouz al-Tashabuh bihim. Ta'amal le nom al-Ikhwan al-Muslimin. Ta'amal. Aïe, on est tous des frères. Soufi, Shi'i, Salafi, Tablighi, illa Salafi, ils le rejettent. Aïe, les autres, Tablighi, Ash'ari, ils rassemblent tout le monde. On est des frères. Ikhwan al-Muslimin. Là. Là. Al-Salafiyya, c'est tu suis. Manhaj al-Salaf al-Salih. C'est eux qui ont compris le dit. Amma antal-an, t'as compris avec ton aql. Qui c'est qui t'a dit qu'on devait tous se rassembler? Man qala kala. On doit tous se rassembler à la haqq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bihablillah. Amma l'ikhwan al-Muslimin, ils sont rassemblés à la hablillah. Abadan. Wallah yadi nasara. Fait tanzim l'an. Fait Misr. Les têtes, les responsables. Wallah yadi nasara. Il y a des membres. C'est des nasara. Il y a des rawafid. Sofiyya. عباد قبور يسمعهم معهم اون دي فرير كي سي كي نو رابيل لو قاعده الاخوان المسلمين اللي فوندي سور اون ريغل سو جروب اللي فوندي سور اون ريغل ما هي اتفاق ما نتفق اتفاق ما يصلح بيننا لكن بالنص القاعده بالنص من يذكر نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est ça, manhaj al-ikhwan. Natafiq fi majtama'na alay. Aïe, on se regroupe, les choses, on est d'accord. T'es un musulman, je suis un musulman. Tu fais salat, je fais salat. On est rassemblés. Wa ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Tu m'excuses dans les choses que je te contredis, et moi aussi je t'excuse. Tu m'excuses et je t'excuse. Et on se rassemble. Parle pas sur moi, je parle pas sur toi. C'est ça, manhaj al-ikhwan, les musulmans. Il est fondé sur ça. Tous des frères, et tu parles pas sur moi, je parle pas sur toi. Ils ont le même but, ils prétendent. Ils ont le même but, ils doivent avancer, ils n'ont pas le temps de. Hatta c'est un mouchrik. Sauf il y a Abu al-Qubur, il y a Adoro Ba'aduna Ba'adan, il y a Makhtalaf Nabi. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Koul, man ra'a minkum munkaran, va yugayir hubiyadi. Il n'a pas dit, il y a Adoro Ba'aduna Ba'adan. Abedan, t'enlèves le munkar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, nasiha. Il n'a pas dit, il y a Adoro Ba'aduna Ba'adan. Abedan, tu me sers ton frère, tu lui veux du bien. Qala, allati tajma al-habil wa nabil. Aïe, salih wa talih, al-khayr wa shar, il rassemble tout. Il a l'khayr, il le combat, fait l'haqiqa. دعوة أهل السنة السلفيون الإخوان المسلمين اللي كومبات جدا في كل مكان اللي كومبات إذا سأمونت كيسوا على الشر. قال ويسهل حينئذ على من أراد إفسادا فيها أن يفسد بما شاء. نعم. أما سيون بخزر في ونع على حق ونسمنوش بأهل الباطل من سيكا كيف نفق جمال يلغى بوكو دمال لأننا ونع الحمد لله ونسمنوش بأهل ما بالوك تبا وميليو يبقون تاكوزي دين شوز تخي فيت. Ils pourront mentir sur toi, ils pourront faire beaucoup de choses. Amma, quand t'es éloigné, t'es ma'a ashab al-haq, inshallah, t'es préservé, bi'idhnillah. Et t'es moins en danger. Qala, wa hadhi hiya bughyat ahl al-batil. Bughyat ahl al-batil, ay ma yuridoun. C'est ça qu'ils espèrent, ahl al-ahwa. Qu'on se mélange à eux. Wallahi, c'est ce qu'ils veulent. Hatta, vous avez remarqué, ils appellent à hala. Faut s'entraider, il faut se mélanger. Illa hatta, il te combat. Il te combat de l'intérieur. Il rentre fait sauf, et il te fait du mal. قال وهذه هي بغية أهل الأهواء يودون أن لا يتركهم أهل الحق يودون يحبون يريدون صحيح كأهل الحق اللي دلس با حتى يسمعون لأن كم تلو دلس تحذر منه صار في بوكو دمال جدا جدا. قال حتى يتمسحوا بهم هذا صعيف بوكو يفون دي مساجد مثلا يديزون سعسي avec شيخ فلان. الشيخ فلان nous a dit ils se servent de ça أهل الأهواء ما بالك si on les met de côté il va dire quoi. إلا سيما قال ويغر الناس بالقرب منهم. نعم نعم كم من أهل الباطل يديز مثلا ونتاع بك شيخ فلان ونساع سيا بك شيخ فلان مساكن عوام يديز ما شاء الله. قال لأنهم إن تركوا سقطوا وذابوا وانتهوا. Et c'est pour ça que les salafs, ils ont préservé le dîn et le sunnah était qawiyya. Ils se sont pas mélangés à Haoula et Haoula ils avaient aucun poids في تلك الأزمنة من زمن السلف زمن الرسول الصحابة لزمام أبخي لأنهم الحق اللي تقوي إيس ملانجي بأهل الباطل. أما نحن الآن سأسي ملانجي الحق ضعف جدا أهل الباطل الآن يفندوا مال أهل الحق أكثر. والواقع أن هذه الآبدة هي بمعنى آبدة نصحح ولا نهدم. ست قاعدة شو كلام سي بمعنى نصحح ولا نهدم. قاعدة عدنان المنحرف عدنان عرعوض نصحح ولا نهدم. أبو الحسن كذلك إلى ستة قاعدة. المغراوي كذلك إلى حول هذه دائما نصحح ولا نهدم. تأمل la qaïda comme elle est bâtile. Nous sahih, il prétend il faut rectifier la chose, ou la nous haddim, sans casser. هكذا يقولون حقيقة الطعن في أئمة الجرح والتعديل من أين جاءت هذه القاعدة الآن tu me sors et tu mets en garde s'il écoute pas s'il répond pas et tu mets en garde pour préserver tes frères c'est طيب طيب il y a aucun هدم le هدم il est du مبتدع il se fait du mal à lui-même أما النصيحة لابد أما هؤلاء لا tu conseilles et ne divise pas ne parle pas ne critique pas conseille c'est tout et حتى قولون صحيح c'est du كذب حتى هذا ça c'est des mots فقط أما في الواقع le tasih il est obligé qu'il soit accompagné de bayan c'est obligé comment tu veux rectifier une chose si tu ne montres pas l'erreur si il n'accepte pas on fait quoi t'es obligé de mettre en garde pour préserver la chose هم لا هذا الكلام اللي باطل أصلا نصحح ولا نهدم c'est خيال فقط قال وإن اختلف لفظها لأن التحذير ممن انحرف وبيان حاله والتميز عن بعد النصح له وتنبيهه على انحرافه وإقامة الحجة عليه وإسقاط له نعم s'il a été conseillé il ne veut pas revenir ils lui ont montré il connaît très bien l'inhiraf qu'il a fait le hujja qamat c'est lui qui se fait du mal قال حتى لا نسقطه حتى يتركنا ومن المعلوم أن الحزب لا يترك خصمه حتى يتركه خصمه ويحذر منه ومن ضلاله صحيح أهل الباطل vu qu'ils sont à la باطل ils ne délaissent pas ils délaisseront pas toujours il va venir تأملوا جماعة التبليغ il te hajar comme tu le hajar أما vous avez remarqué, il vient à la mosquée, c'est un salafi, il vient vers toi. هكذا أهل الباطل. Il essaye. Dès que toi t'as un موقف, il voit qu'un sunni, il te délaisse. Donc, ça montre que si toi, t'appliques cette قاعدة باطلة, لا نترك رجل حتى يتركنا, ce tablighi va venir, tu vas pas le délaisser, t'es avec lui. Est-ce que tu vas le convaincre ou il va te convaincre? Allah أعلم. Préserve ton dit. هذا, c'est ça la gravité الآن. أن الحزب ne délaissera pas. L'ikhwan, ils essaient de se rapprocher de salafi. لكن dès qu'il voit que le salafi est ثابت il le critique ou il redonne لكن au départ ils font tout pour se mélanger si tu ne supportes tu seras avec هؤلاء قال عز وجل ولا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين او فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين قال ومن المعلوم أن الحزب لا يترك خصمه حتى يتركه خصمه ويحذر منه ومن ضلاله وإلا بقي حريصا على القرب من الحق من المحق صحيح مبطل هكذا في tout pour se rapprocher du muhiq لأنه يطمع فيه il sait qu'il a une manzila il sait que les gens l'écoutent il sait que خاصة c'est un alim ils font tout pour se rapprocher de lui هم ils ont un mabda والعيذ بالله ils rentrent dans le saf et ils font du mal à l'intérieur هكذا أهل الباطل لهذا tu les trouves ils ont déjà oasis ils ont il l'a mis là c'est de faire entrer des personnes au milieu et faire du mal la personne est intabé hafid ala din hada din c'est la chose qu'il te sera le plus utile bidnillah c'est la chose la plus importante hafid ali wallahi là où du mal tu ne laisseras pas un mubtil s'approcher ça une personne qui a de l'argent tu connais un mubtil maintenant c'est un voleur tu feras tout pour préserver ce mal de ce voleur ya akhi ce din c'est a'zam et c'est anfa c'est pas des voleurs là c'est des ils veulent te prendre ton din ايه والله اهل الباطل يسون هكذا والله يفلت بخون طن دين كساسو اليهود نصارى او المبتدعة يفلت فيغ دي مالا طن دين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته هكذا يا اهل البدعة ازوى نصيب من هذا يفتو بوك تسوي سو مذهب حافظ على دينك نتفى بابور من زخارف القول qui te fait croire non nous on veut t'écouter faut que tu nous montres لا تخطر c'est ça مبطل الحق il est واضح Si tu as peur pour ton dîn et tu n'as pas le qudra, écarte-toi. Aslan. Aslan. Et s'il veut le haq, il le trouvera. Il fait du'a. Et amma anta, préserve ton dîn. Il y a ce haq qui te dit, mon dîn, il te dit, mais on veut le haq. C'est quoi le haq? Là, tu as donné qu'il dit, je veux le haq, c'est minhaj al-salaf, Qur'an, sunna, abadan. Pour lui, le haq, c'est ce qu'il a dans la tête. Ba'danaz, ils entendent ba'danaz, ils disent, je veux le haq, ils croient que c'est le haq qu'il a lui. C'est le haq qu'il veut lui. C'est pour ça que dès que tu lui montres, prends mas'alat hukam, mathalan. بعض الناس يقولون في الحق إتو أنت تظن في الحق على من السنة تلسي ده حديث تدي لا ما ما تشوفه بالحق تقبل الحق تقبل أكسبت له حديث حقيقة يبغى ما هو تحقق أبدا يبغى ce qu'il pense lui انتبه est-ce que tu vas réussir à le convaincre الله أعلم ne rentre pas dans des choses que tu maîtrises pas قال قال وإلا بقي حريصا على القرب من المحق لما يحصل بذلك من التغرير بالناس وحرصا على سحب خصمه إلى حزبه وضلاله. هكذا المبطئ يفتو فغيغاغي السني المحق. قال ولبعد هذه المقالة الخطرة أي لا نترك الرجل حتى يترك ست قاعدة باطلة. قال ومخالفتها للمنهج السلفي أثمرت عند أصحابها من المخالفات العظيمة ما يتقطع له القلب وهذا شأن باطل. لا تظن الناس فتنة فتنة العدني سهكذا والله يلي فوندي سوى دي قواعد. Et plus tard, dès que le livre Al-Ibana il est sorti, c'était clair. Anna cette fitna, elle est fondée anna al-qawm. Ils n'ont pas compris kathir min al-qawa'id. Ils n'ont pas compris al-manhaj salafi al-asil. Les hadha al-kitab, Cheikh Yahya lamma radda alayhi, ba'da nas ils ont essayé de faire croire là le kitab al-tayyib, al-hajuri, al-nashidda. Cheikh Rabi' il a démontré. Ma'adha naf'al. Les hadha, vous avez remarqué après ce bayan de Cheikh Rabi' sur l'Ibana, les Qoum, ils n'ont plus jamais parlé de cette mas'ala. Les Anna, si il s'avère que le kitab, il est vraiment à la manhaj mukhalif li ahli sunnah, Cheikh Yahya, il a raison dans la mas'ala. Il a raison. Les Anna, le kitab l'Ibana, il a été écrit pour cette fitna. Soi-disant pour calmer cette fitna. Le kitab, la défense, elle est bâtila. Ma balouk, celui qui est défendu. Si la défense, elle est bâtila, celui qui est défendu, aïnahu. Laquelle, vous avez remarqué, après ce kalam, khalas. Al-an, plus personne parle de l'Ibana. Et بعض الناس كانه c'est un kalam sahl. Là, c'est un kitab, il appelle soi-disant au manhaj salafi. En réalité, il y a des erreurs. Donc le manhaj salafi il n'est pas compris. Parce que c'est des qawaid, c'est pas un livre de fiqh l'Iman. C'est pas un livre de fiqh, tu peux t'attaquer, tu dis là, as-sawab, il faut lever les mains, as-sawab, il faut mettre les mains à tel endroit, les hadith. C'est pas un livre de fiqh l'Iman. C'est un livre de manhaj. S'il y a des erreurs, c'est que c'est des erreurs dans le manhaj. Est-ce qu'il y a une tawba? C'est quoi ces erreurs? Alhamdulillah, on les connaît, on a lu les redoutes. Amma ba'd an-nas, là, ils attendent toujours que c'est une personne spécifique qui écrit. Lakin, entabih ton dit. Et là, c'est pas un chart que Foulan, c'est lui qui montre là. L'essentiel, c'est que ça soit haqq. Et tu prends. Qala. Et Cheikh Saïd, rahmatullah alayh, il a répondu au livre. Cette risala, elle est avant Kitab al-Ibana. Alihada, Cheikh Saïd, il connaissait ce kalam. Mohamed l'imam il avait cité ce kalam dans des audios, Cheikh Saïd il avait un sah. Thomas Kitab l'Ibana il est sorti, Thomas Cheikh Saïd il a écrit Tanzih al-Salafiyya. قال وهو مصير متحتم اتجاه كل ضال منحرف معاند للحق فقول القائل لا نتركه أي لا نسقطه. هذا on le délaisse pas, on la nusqitu, ça ressemble à la nuhaddim. Qala hatta yatrukna. Et la question qui se pose est si tu délaisses pas, si tu délaisses pas, il accepte pas le haqq, on fait comment? Aina al-wala wal-bara, aina an-nahy 'an al-munkar, aina manhaj as-salaf. Qala wa min al-ma'lum anna al-hizb qara'na qal atmarat hadi wa an ahlihi أين نحن؟ وهذا شأن الباطل. قال وهذا شأن الباطل أنجناه شوك أو شوك أو شكوك. قال نعيد. قال أثمرت عند أصحابه من المخالفات العظيمة ما يتقطع له القلب وهذا شأن الباطل أنجناه شوك وفساد وشر. نعم كانه هكذا. قال أنجناه شوك وفساد وشر إذ ينصرون الباطل ويدافعون عنه وعن أهله. تأمل استقاعدة لا نترك الرجل حتى يتركنا. lui te dit je délaisse pas la personne tant qu'il m'a pas délaissé. c'est une qaïda باطلة. y a pas d'adil. ما بالك أنت الآن ستطبق منهج السلفي. أنت tu viens et tu lui dis là moi je le délaisse لله. comment il fait صاحبنا هذا؟ il est obligé il m'a se mettre avec toi il m'a défendre le مبطل. لكن بعضهم ici qu'est-ce qu'ils font؟ je rentre pas là-dedans. هذا. et là il peut pas. il m'a défendre le باطل il m'a défendre le حق. Dès qu'il se sent bloqué, il dit je rentre pas là-dedans. Ce quoi je rentre pas là-dedans, c'est le mukhalafa. T'es obligé de me faire le haq. T'es obligé. Comme sur le haq, va les mains au badlum. T'es obligé, c'est wajib. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون c'est wajib. أمر وتعاونوا. ما بالك celui qui dit moi je rentre pas fi hada. Là, t'as pas le choix. Si c'est un haq, tu dois défendre. Si c'est un munkar, enlève le munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Si tu as le qudra avec le yed, tu dois l'enlever avec le yed. Ma baluk, là, moi je rentre pas fi hada. Jama'a ad-din, c'est fondé sur des adillah. Ma ba'd an-nas, un, vous avez remarqué, si tu lui dis ça, la tatak al-rajul hatta yatrukak. Ana, je ne me mélange pas à lui, comment on fait? T'es obligé d'avoir une position, t'es obligé. On revient au adillah. Amma là, moi je rentre pas là-dedans. Là, ayna ad-dalil ala hada? Ça vient d'où? Alhamdulillah, les sahaba, ils n'ont pas fait hakada. Alhamdulillah, alhamdulillah, imma ils ont jihad. بالسيف وباللسان وبالعلم حتى الدين était parvenu صافي ما بالك نحن si tout le monde fait ça les générations après كيف c'est pas هكذا الدين ابدا قال ويدافعون عنه وعن اهله ويحسنون الظن بهم ويتكلفون لهم المعاذير صحيح معاذير لا peut-être qu'il a voulu ما فيه من هذا il a fait ce munkar ينصح il admet il fait tauba on en parle plus amma il a voulu il a pas voulu la le haqq le batil c'est واضح قال ويتكلفون لهم المعاذير المشكله المعاذير avec اهل الباطل لما انت il te laisse aucune possibilité انت حدادي tu es trop dur لماذا vous ne trouvez pas des excuses dites là peut-être qu'ils ont voulu faire du bien peut-être que kada ça montre al batil ça montre que le rapprochement et al batil il est plus que le rapprochement et al haqq قال فماذا بعد الحق الى الضلال obligé de choisir في هذا قال ويتكلفون لهم المعاذير وربما آووهم نعم اي il se refuge عندهم c'est le refuge هنا بمعنى اي il les protège il les قال ويخذلون الحق واهله ويسيئون الظن بهم هذا كنا سيدي اما مع اهل الحق يا بلو المعاذير يا بلو هذا كله الا طعن والسب والشتم قال حينا بعد حين كما نرى ذلك واضحا في فتنة العدن وحزبه الماكر ثم إلى ستين آية لكن نطخ نسخة هذه ونبالي آيات السخط مال سهل قال والحقيقة المرة على كل ذي فم على كل ذي فم مرير نعم من الفم والحقيقة المرة على كل ذي فم مرير مر مرير مر هكذا بالياء لبخمي مرير ثم مر قال أن تمرت هذه القاعدة المحدثة الجديدة الحفاظ على الأشخاص سأغسهم لا نصحح ولا نهدم et vous remarquez ils le disent هؤلاء ne vous précipitez pas كذا لا c'est pas ça الدين الدين c'est pas mon avis ou ton avis الدين c'est منهج السلف أما الحفاظ على الأشخاص toi tu vas dire il faut pas sentir une semaine un autre il va dire deux un troisième va venir il va dire un mois صاحب حق va montrer واحد va dire là t'as pas laissé de temps on laisse du temps un autre va venir il refaut du temps on fait comment المنكر il s'enlève à la base celui qui a la batel il accepte لأننا نحن الآن on inverse la question vous dites un tome vous vous précipitez pourquoi vous avez répondu نحن on inverse la question pourquoi il n'a pas accepté le حق pourquoi vous n'avez pas montré le حق il faut des réponses à ces questions كذلك أما tu poses la question que d'une jihad بعض الناس ils pensent ouais c'est vrai là toi tu dis maintenant nous on s'est précipité on a démontré on a maintenant on te dit t'as été trop lent t'as été trop lent je cite mon dalil cite ton dalil قال عيسى السلام من رأى منكم منكرا فليغيره c'est على الحال اجمع السلف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة t'as pas le droit de retarder une chose après son temps t'as pas le droit بالإجمع تفضل ماذا عندك pourquoi il faut attendre تفضل tu vas attendre longtemps قال الحفاظ على الأشخاص وإلغاء مصلحة دين الله الحق والدعوة السلفية وليس هذا هو العدل الذي أمر الله به في آيات كثيرة شعر صاحبها أم لم يشعر أي la personne il s'est rendu compte أم لا son كلام il implique beaucoup de باطل que Cheikh Saïd il a résumé هنا celui qui veut le mazid تنزيه السلفية la réponse à cette قاعدة لا نترك الرجل حتى يتركنا أي لا فصل أكثر قال شيخ الإسلام الإيمان لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة هذا كلام أهل السنة الأئمة لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها إذا لس دي سنن يتم قضى دي بدعة قال وقال المقريزي في التجريد تجريد التوحيد وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت من أجله نوعا من الباطل الآن ceux qui ont délaissé fondement الولا والوراء et ils inventent des règles ça implique qu'ils tomberont dans le batil لأن ils ont délaissé منهج السنة في هذا منهج أهل السنة c'est de montrer mettre en garde نصيحة t'as inventé une règle ça implique des bidats et تأمل ce حزب الآن حزب العدني